Pour un nouveau numéro de l'Asile, le plus sur antenne du 94 MHz pour le lundi en direct ou à partir d'internet quand ça vous chante, sous la douche, un peu partout dans vos maisons ou appartements, à partir du blog asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman, site qui est mis à jour avec playlist, également les podcasts et puis pas mal d'autres choses encore, les liens pour aller écouter des bandcamp et des vidéos en pagaille. Et on attaque avec un groupe qui voit une réédition de son premier disque sur un label américain, groupe français. Il s'agit de Chocolat Bidi et la réédition de Mon Père et Ma Mère, leur premier album qui était sorti en 2005 au Potager Nature, qui vient tout juste de revoir le jour en 33 tours grâce aux bons soins du label de Portland, Oregon, Waterwing Records. Alors Chocolat Bidi, c'est un quartet qui est toujours en activité. Ils ont commencé, je pense, vers 2003-2004. C'est un peu eux qui sont à l'origine d'ailleurs du fameux collectif bordelais et label de disques Orga Concert, les Potagers Nature. Et je me souviens qu'à peu près à cette époque, on les avait découverts sur scène à Rennes, au Jardin Moderne, pour l'excellent festival Rose Courge, donc en 2005, ce qui ne nous rajeunit pas. On écoute le titre qui refermait ce disque, Mon Père et Ma Mère de Chocolat Bidi, le morceau Le Serpent de Mer. démarrage en fanfare pour l'asile de cette semaine. On a commencé avec le groupe de monsieur Yann Saboya, Chocolat Billy, lui qui fait partie donc des Potagers Nature et qui joue également dans Happy Wiz, pardon. Voilà donc le premier album de Chocolat Billy, Mon père et ma mère, sorti au Potagers Nature, réédité par Waterwing Records. Combo donc toujours en activité. Là, c'est la réédition de leur premier disque de 2005. Ils n'ont pas sorti quantité de choses, hein, 3-4 albums ou mini-albums, mais ils sont, continuent à jouer assez régulièrement, et notamment ils avaient été invités au festival 2IX de l'an dernier. Ils tournent d'ailleurs assez souvent avec le combo hollandais. Voilà donc pour Chocolat Billy, bon, qui a pris son nom d'un jeu de mots assez pourrave sur Chocabilly, le fameux premier groupe de Eugène Chadbourne de la fin des années 70, début des années 80. Et on a enchaîné avec une formation argentine et un nouvel extrait de cette double anthologie sous le titre Salgan al Sol, Avant Rock en la Argentina del Siglo Veinte y Uno. Compilation double sortie par l'excellent label de Lima au Pérou, Bu avec un H, BUH Records, qui sort quantité de choses, des disques très très régulièrement, tant dans les musiques électroniques improvisées que des rééditions aussi de vieilleries, des musiques psychédéliques ou de traverse d'Amérique latine. Voilà donc pour le label Bu Records. Quant à cette formation qu'on entendait, elle répondait au nom de Resistencia Chaco, formation totalement inconnue sous nos contrées bien évidemment, qui existe depuis 2009 et qui apparemment a sorti un disque sous le titre Una Puerta Roja en algún lugar de la República Checa, plutôt un peu dans une sorte d'avante free rock, plutôt pas mal, assez lourde dans le registre, et c'est un peu à l'image donc de cette double anthologie des musiques un peu post rock in opposition. On vous avait passé notamment la formation Factor Burzaco, qui est peut-être le groupe le plus connu de cette compilation, qui a été co-produite par Bu Records et monsieur Anla Curtis, qui d'ailleurs figure également sur cette anthologie qui compte une bonne vingtaine de morceaux. Il y a des choses un peu plus électroniques, un peu plus dronesques aussi sur le deuxième disque. Excellente anthologie Salgan al Sol, Avant Rock en la Argentina del Siglo Veinte y Uno. On va continuer avec une formation qui m'avait pas mal plu avec son premier disque. Il s'agit de Albatre, qui est une formation basée aux Pays-Bas, et pourtant ça aurait pu ne pas être le cas vu la nationalité de ses différents membres. C'est un trio dans lequel on retrouve deux Portugais, notamment l'excellent bassiste qui commence à se faire pas mal un nom, qui officie aussi au sein de Spinifex, qu'on vous a passé il y a de ça 15 jours, qui est aux côtés de son camarade Hugo Costa et son compatriote Hugo Costa au saxophone. Donc ils sont tous deux basés, je crois que c'est à Rotterdam, et ils sont en compagnie d'un batteur qui lui est originaire d'Allemagne, je crois, Philippe Ernsting, batterie électronique. Ils avaient sorti donc un premier disque sur l'étiquette Spuma Records, qui est la subdivision du label portugais Cleanfeed, qui est beaucoup qui est surtout consacré au jazz contemporain. Quant à Spuma, c'est plutôt le free rock et les musiques un peu de traverse, mais pas que portugaises, un peu dans le monde entier. Et donc Spuma Récidive, après leur premier disque donc A Descent Into the Maelstrom, qui était sorti en 2013, qui avait un côté un peu impro électronique, bizarrerie, un peu avant-rock aussi sur les bords. Et cette fois-ci c'est une musique nettement plus effrayante, on pourrait dire. Ça sort en vinyle, cette fois sous le titre Nagual. Et c'est une musique nettement plus dans un registre lourd, avec le sax et les basses et effets bien en avant. Je propose d'écouter le titre El Bicho, qui est un triptyque qui est dans ce disque de Albatre Nagual. Comment faire passer l'asile le plus sûr pour une émission ultra goth. On a démarré avec Albâtre et un extrait de leur tout nouvel album Nagual, le deuxième, qui vient tout juste de sortir sur étiquette Spuma Records, l'entité de Lisbonne qui publie assez régulièrement des choses, notamment il y a eu des side projects de Thurston Moore en dialogue improvisé avec des musiciens portugais par exemple sur ce label Spuma, et donc Albâtre qui est un trio, on va dire un power trio, vu la densité de la musique qu'ils pratiquent ces temps-ci. Là je vous ai passé un assez court extrait, mais les pièces font plutôt dans les 10 minutes et c'est assez massif. On pense peut-être à certains groupes aussi assez lourds, certaines formations qui mélangent sax, basse, batterie, peut-être du côté aussi du collectif Quax Records. Par exemple, pour ce trio Albâtre et ce disque assez étonnant, très différent du premier, sous le titre Nagual. Et on a enchaîné avec un tout nouvel album du duo Natural Snow Buildings sous le titre Terror's Horns, sorti sur l'étiquette de Brooklyn Badabing, qui avait déjà sorti des choses de ce duo hexagonal assez mystérieux. Ils avaient notamment réédité leur double The Snowbringer Cult. Natural Snow Buildings, qui est une formation qui existe depuis la fin des années 90, qu'on suit assez assidûment, je dois dire, toujours des disques assez fleuves dans lesquels il faut s'immerger. Alors j'ai lu quelque part qu'on les comparait un peu à Popol Vuh. Alors je pense que c'est un petit peu exagéré, ou ça colle pas vraiment à l'ambiance de leur musique, qui a un côté un peu dronesque, un côté folk, un imaginaire médiéval assez prononcé. Pour la musique de Solange Goularté et Mehdi Amezian. Ils ont aussi deux projets solo. Solange Goularté se produit aussi sous le nom de Isan Grind et Mehdi Amezian de Twin Sister Moon. Ce nouvel album vinyle Terror's Horns est aussi accompagné par un CD. Alors ça, c'était pour les gens qui ont commandé très très tôt l'été dernier. Donc une petite édition pour les plus passionnés par la musique de Natural Snow Buildings sous le titre The Ladder. Ils sont assez coutumiers de ce genre de choses, de produire un disque et des compléments pour faire un double, ce genre de choses. Et comme toujours, une illustration assez fantastique pour la musique de Natural Snow Buildings avec les peintures de Solange Goularté. Alors là, ça fait un peu messe noire d'Halloween avec des genres de ghouls, de cow-boys un peu fantomatiques et assez inquiétants pour ce Terror's Horns du duo Natural Snow Buildings, qui réside apparemment non loin de Rennes. Il serait du côté de Vitré, mais on ne peut pas dire qu'il fasse beaucoup de vagues. On n'a pas eu l'occasion de les voir encore sur Rennes. Ils se produisent plutôt à l'étranger, où ils ont une cote d'amour assez importante. On va continuer avec un autre duo, là encore hexagonal. Il s'agit de la rencontre entre le saxophoniste Quentin Rollet, qui est un vieux de la vieille. Lui aussi a commencé au moins au début des années 90, plutôt dans les croisements entre jazz free et rock de traverse, notamment lorsqu'il s'occupait de l'excellent label Rectangle, label défunt à la fin des années 90, notamment aux côtés de Noël Akshoté. Et là, on le retrouve en compagnie de Monsieur Illich, Thierry Muller, qui lui a commencé plutôt fin 70, début 80. On se souvient de son Polaroid roman photo de Russe, son projet un peu kitsch à la Jacquenot et Ellie. Son côté ritournel électronique. Il a fait beaucoup beaucoup de choses dans les années 80 et il continue à jouer avec pas mal de gens, ou parfois aussi en solo. On le retrouve donc au synthétiseur guitare et Quentin Rollet au saxophone sur ce tout nouveau label dont s'occupe Quentin Rollet sous le nom de Bizou. On vous avait passé un peu avant l'été l'autre parution du label Bizou, la bar mitzvah du chien de Guedalia Tazartes, et là je vous propose donc un extrait de ce On Your Body's Landscape avec une pochette vraiment très très très belle à observer de loin. On écoute un extrait de ce 33 tours de messieurs Quentin Rollet et Thierry Muller, On Your Body's Landscape, le titre Le rêve de mandarine. Thank you. Thank you. We'll be right back. À l'instant, l'asile le plus sûr sur du 94 The Big Heart, une séquence qui fleurait bon les années 70 et qui a démarré avec un disque contemporain, un 33 tours qui marque la rencontre entre le saxophoniste Quentin Rollet et le guitariste et électronicien Thierry Muller. Ça fait quelques années qu'ils se côtoient et qu'ils jouent sur scène. Et c'est maintenant un témoignage discographique. Disque plutôt réussi sous le titre On Your Body's Landscape pour monsieur Thierry Illich Müller et Quentin Rollet lui-même, avec ou sans sa barbe, sorti sur son propre label Bisou Records, et s'est enregistré comme de juste au studio Pierre Schaeffer de monsieur Patrick Müller, frère de Thierry, qui officie notamment au sein de Tribrac avec Jean-Noël Cognard et monsieur Pauvros, et qui est aussi quelqu'un qui est surtout connu aussi comme metteur en son de quantité d'albums et aussi de live d'ailleurs. C'est lui qui a enregistré aussi l'excellent disque de Dominique Grimaud et Véronique Villet sous le nom de A, sorti sur Bambalam, qu'on vous proposait aussi il y a de ça quelques jours. Voilà donc pour l'album On Your Body's Landscape sur Bisou, qui était enchaîné avec des documents de l'année 1975 de Harmonia, le son d'Harmonia qui ne trompe pas, sorti par l'excellent label Grondeland, qui vient tout juste de sortir un coffret 6 vinyles qui regroupe les différents disques de cette formation des années 70 du rock allemand, mais assez atypique, qui marquait un peu la réunion entre les gens de Neu et aussi deux clusters, Dieter Moebius, le regretté Moebius, et Hans Joachim Rodelius avaient un studio dans la campagne allemande, leur home studio de Forst, et donc ils jammaient assez régulièrement. Et Michael Rother et Klaus Dinger du groupe Neu s'étaient décidés à faire appel à Cluster, et ça donnait donc la réunion de ce super groupe qui a sorti deux albums officiels sous le titre Music Van Harmonia et le suivant Deluxe, sorti tous les deux chez Brain. Ça en était suivi aussi des collaborations. Il y avait notamment le batteur de Guru Guru, Manino Meyer, qui avait fait partie de cette incarnation Deluxe de Harmonia, ou encore Brian Eno. Et bien évidemment, Connie Plank n'était jamais très très loin pour contribuer par ses prises de son et aussi parfois également des sonorités un peu de batterie qu'il rajoutait. Et donc une musique un peu dans l'esprit de ce que faisait la formation Cluster avec un C à l'époque de l'album Zuckerzeit. On pouvait presque penser aussi avec le titre qu'on entendait de Harmonia Proto Deluxe à Cristallo de Kraftwerk, qui date je crois de 1973. Donc c'est un peu le son allemand de la musique électronique allemande, un peu barré quand même sous les bords entre 73 et 1975. Et donc là c'est un disque bonus sous le titre de Document 1975, sorti par Grandland, qui se retrouve dans ce coffret vinyle et qui est édité également en cassette. Et je propose d'écouter un autre extrait de cette excellente série de titres retrouvés d'enregistrement studio de jam d'Harmonia, avec le morceau Tika Tika, donc au studio Harmonia de Forst. Thank you. qui va encore gagner. They're driving so fast, who's gonna win? I don't know yet. There are red flags and black and white flags also. They have sunglasses and they drive so fast. Someone is gonna win, but I still don't know who. Un acteur, une actrice, une voiture, deux voitures, trois voitures, beaucoup de voitures. Un ruban dans ses cheveux, peut-être a-t-il un chapeau. La lumière est tellement forte, ils vont tellement vite. Il a des lunettes de soleil, elle a des lunettes de soleil, ils en ont tous. They are wearing sunglasses. Check the wheels, they are going so fast. Three people in one car and many cars. One road and many cars. What's the weather today? What's the time? Where are we going? What's the day? What's the color of the car? What's the name of the driver? It could be 1967 or maybe 1972, 1994 ou 1981. Une radio customisée dans la voiture, les roues roulent tellement vite. Je ne sais pas la marque de la voiture, mais elle va tellement vite, c'est elle qui va gagner. Je ne suis pas dedans, je regarde sur le bord de la route. Le matin est plié en huit. C'est un lézard. Sentiez vraiment sur l'autobahn avec la séquence qui précédait cette histoire de nous venger de ne pas aller au concert de Kraftwerk en 3D à la Cité des Congrès à Nantes lundi prochain. Donc on a démarré avec Harmonia, le son de Hambourg électronique des années 70, la réunion entre Cluster et Neu, et un extrait des documents 1975 édité par le label Groundland et qui se retrouve à l'intérieur d'un coffret sextuple vinyle qui regroupe leurs différents enregistrements entre 74 et 76 et aussi les enregistrements plus tardifs aux côtés de Brian Eno, donc des choses qui avaient déjà été rééditées ou éditées précédemment, et ces documents 75 qui sont totalement inédits, des pièces studio de qualité plutôt très très très très appréciable, enregistré donc dans leur studio de Forst au Cluster. Et on a enchaîné avec la rencontre entre Felicia Atkinson et Peter Broderick, drôle d'équipé sauvage, extrait de ce disque Désert Télévision qui est sur le label de monsieur Broderick lui-même, Bacon Sound. Il s'agit d'un vinyle coloré tiré à 300 exemplaires, également disponible en cassette. Très très bon disque de Felicia Atkinson au Spoken Words, toujours assez fumeux. On pense qu'elle a peut-être un peu trop regardé les films de monsieur Alain Robbe-Grillet ou quelque chose comme ça. En tout cas, quelqu'un qu'on suit assidûment depuis ses tout débuts, depuis notamment le disque Roman Anglais qu'ils avaient beaucoup plu à l'époque en 2008, et puis quantité d'autres choses, notamment le disque Oregon il y a de ça 3-4 ans, puis pas mal d'installations sonores et de travaux plastiques également pour Miss Atkinson, qui est nouvelle rennaise d'ailleurs. J'ai appris ça à la rentrée, elle vient tout juste de s'installer ou de se réinstaller dans la capitale brétilienne, donc c'est plutôt très très chouette, et on essaiera peut-être de la faire venir dans les studios de Canal B. Voilà donc pour la rencontre entre Peter Broderick et Felicia Atkinson sous le titre Désert Télévision. Et on va enchaîner avec tout autre chose et un vieux groupe qui a commencé à la fin des années 80. Il s'agit de la formation australienne The Next, qui revient avec son 18e ou 20e disque. Il s'appelle Vertigo, il sort sur le label Northern Spy, l'excellent label new-yorkais, et je propose d'écouter comme toujours une séquence qui dure 3 plombes, donc ça doit faire à peu près 43 ou 45 minutes. Donc le long player de The Next sous le titre Vertigo, une seule pièce comme à leur habitude, et on écoute à partir du début, pourquoi pas. c'est sacrilège de couper la musique de The Nex, mais c'est vrai que c'est le genre de choses totalement impossible à passer en radio. On écoutait un extrait de leur tout nouvel opus publié par Northern Spy sous le titre Vertigo, à ce trio dans lequel on retrouve le pianiste, on entend bien d'ailleurs, Chris Abrams. Il s'excite dans l'intérieur du piano aux côtés de Tony Buck à la batterie et de Lloyd Swanton à la basse. Comme toujours, une musique plutôt dans des registres un peu cycliques, une musique nouvelle, ni minimale ni ambiante, on ne sait pas trop quoi la qualifier. Ce disque est encore plus atypique, il commence presque par la fin et puis il se déplie dans l'autre sens. Voilà, je ne peux que vous conseiller d'écouter ce Vertigo par The Nex, sorti par Northern Spy. On va continuer avec une formation belgeo-hollandaise qui répond au nom de Juqua, avec deux A et un K et un W, et le disque Harbinger of Imminent Ruin, sorti par l'excellent label belge de Gand, El Negocito Records. Alors c'est une formation d'ailleurs originaire de cette ville de Belgique, donc plutôt une formation un peu jazz classique, piano, contrebasse, batterie, et suite à un premier album, je crois que leur saxophone Nist s'est fait la malle, et donc ils ont recruté Otto Koke de l'excellent duo hollandais les Dead Neanderthals, et un guitariste lui aussi je crois hollandais, Jonas van den Bosch, qui réside en Estonie, et ça donne une musique plutôt assez incroyable, très très variée, ce disque Harbinger of Imminent Ruin, et je propose de découvrir cette formation Juqua avec le titre Fantôme. We'll be right back. La séquence un peu jazz énervé de l'Asie de l'Opus Sûr pour terminer l'émission, qui a démarré avec la formation Juqua, formation belgo-hollandaise, et le disque Harbinger of Imminent Ruin, sorti sur El Negocito Records, qui était enchaîné avec une formation hexagonale qu'on vous avait proposée il y a de ça une quinzaine, Drifting Box Celebration. C'est un peu mon coup de cœur de la rentrée, sorti sur l'excellent label rémois Bicoque Records, ce nœud col pour cette formation avec pas mal de cordes, et puis c'est assez survitaminé, ce Drifting Box Celebration. Voilà, on va se terminer avec une dernière pièce, le temps de vous rappeler que l'émission est intégralement réécoutable et podcastable à partir du site asile35.blogspot.fr, avec l'ensemble de ce que vous avez pu entendre ce soir, et les playlists et les liens, les vidéos, tout ça. Et on se quitte avec un artiste sonore italien que je ne connaissais pas du tout, qui répond au nom de Giovanni Di Domenico, qui est en compagnie du guitariste Jim O'Rourke, qui lui est nettement plus connu, même s'il se terre quelque part au Japon depuis une dizaine d'années. Ensemble, ils viennent de faire paraître un disque sur étiquette italienne Di Chachtel. Ça s'intitule Arco, et c'est vrai que c'est très dans le drone sur archet. Il s'agit de deux violoncellistes et puis une mise en son, et aussi les guitares un peu dronesques de Jim O'Rourke. Ça a été joliment mis en son par Gyu Sepei Yelasi. Voilà pour le disque Arco, qui va faire une très belle conclusion à l'émission de cette semaine. On écoute ce Arco par Giovanni Di Domenico et Jim O'Rourke. Très belle semaine à vous, à bientôt. sien. Se dissolve dans le vent. Le vent.